Le petit Fan de Thierry Cabot. Poème extrait de La blessure des mots. Dans le joli bois, merveille, quand naît le jour, un tout petit Fan s'éveille. C'est un amour. Dès que l'aube, aux doigts de perles, joue en ses yeux, la candeur chez lui déferle en traits joyeux. Alors bientôt, course folle, il est partout. Il gambade, il rit, il vole, son cœur est fou. Devant la nature en fête, tout ébloui, il se lance à la conquête de l'inouï. Chacun lui fait une place, il n'a rien vu. Sa gaieté court, jamais lasse, vers l'imprévu. Une fleur multicolore l'étonne un peu. Dans la mousse, il voit éclore son rêve bleu. Tiens, un papillon qui bouge, tiens, un lapin, un oiseau là-bas tout rouge, à l'œil mutin. Et saoulé par l'aventure, oh, doux trésor, voilà que sur la verdure, le Fan s'endort.